Ensuite, nous avons le verbe comprendre. Rappelle-moi comment on dit comprendre. Capisce. Attention, l'infinitif, c'est-à-dire ici comprendre, se termine toujours par RE en italien. Ah oui, capire. Capire. Capire, comprendre. Pour je comprends, on ne peut pas dire capo. Il faut ajouter un petit quelque chose avant le O. Donc on dit capisco. C-A-P-I-S-C-O. Capisco. Capisco. Capisco. Je comprends. Et comment diriez-vous je le comprends? Lo capisco. Oui, lo capisco. Et je ne le comprends pas? Non lo capisco. Non lo capisco. C'est ça. Vous comprenez don capisce. Ça s'écrit C-A-P-I-S-C-E. Comme capisco, mais avec un E à la fin. Et ça se prononce capisce, parce que les lettres S, C suivies d'un E ou d'un I se prononcent CH. Donc, on a capisco et capisce. Alors, maintenant, comment diriez-vous « est-ce que vous le comprenez ?» Lo capisce. Lo capisce. Et « est-ce que vous me comprenez ?» Me capisce. Mais s'emploie après un mot comme « per » ou « con ». Ici, c'est avec un verbe. Donc, mi. Mi capisce? Bien. Mi capisce. Comment diriez-vous maintenant? Est-ce que vous ne me comprenez pas? Non mi capisce? Voilà. Non mi capisce? Et ensuite, pourquoi ne me comprenez-vous pas? Perché non mi capisce? Bien. Perché non mi capisce? Dites maintenant, sachant que bien se dit bene, B-E-N-E, je suis désolée, mais je ne le comprends pas très bien. Commencez par dire je suis désolée. Mi dispiace. Mi dispiace. Mais? Ma? Je ne le comprends pas très bien. Non... lo capisco? Très bien. Molto bene. Bien. Mi dispiace, ma non lo capisco molto bene. Maintenant, comment demanderiez-vous? Que dites-vous? Che cosa dica? Dice. Dice. C'est ça. Che cosa dice? Oui. Che cosa dice? Che cosa, c'est que ou qu'est-ce que, au début d'une question. Mais si vous voulez parler d'une chose indéfinie au milieu d'une phrase qui n'est pas une question, vous direz ciò che, ce que. Ça s'écrit en deux mots. Ciò, C-I-O accent grave, et che, C-H-E. Ciò che. Par exemple, comment diriez-vous je ne sais pas ce qu'il veut. Non capisco. Ça, c'est je ne comprends pas. C'est bien, mais je voudrais que vous disiez je ne sais pas. Non so. Non so, tout à fait. Non so, ce que. Ciò che. Ciò che, avec un ch. Non so, ciò che. Il veut. Vuole? Oui, vuole. Non so ciò che vuole. Non so ciò che vuole. Voici un autre exemple. Dites-moi, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Non capisco molto bene ciò che dice. Ciò che, avec un ch. Non capisco molto bene ciò che dice. Très bien. Non capisco molto bene ciò che dice. E on peut dire aussi non capisco molto bene quello che dice, même si cette formule est moins courante. Et comment diriez-vous ce n'est pas ce que je dis? Non è ciò che dico. Très bien. Non è ciò che dico. Et maintenant, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Non capisco ciò che vuole dire. Bien. Non capisco ciò che vuole dire. Comment demanderiez-vous à quelqu'un? Que voulez-vous dire? Che cosa vuole dire? Oui. Che cosa vuole dire? Et comment diriez-vous? Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Non capisce ciò che voglio dire. Très bien. Non capisce, vous ne comprenez pas, ciò che voglio dire, ce que je veux dire.